Audiocité.net a le plaisir de vous présenter Chant en poche de Georges Feydeau. Il s'agit d'un vaudeville en trois actes représenté pour la première fois à Paris le 19 septembre 1888 au Théâtre des Jazzés. Dans cette interprétation, Stanley sera Pacarel, Christian Dufossé, Alain Bernard le docteur Landerneau, Aldor Lannoy de Vaux et Bernard Tiburce le domestique de Pacarel. Chez les dames, Armaine sera Marthe, la femme de Pacarel, Camille Amandine, la femme de Landerneau, et Mélodie sera Julie, fille des Pacarel. La bonne, personnage muet, ne sera pas représentée. Premier acte. Il se déroule dans une salle à manger au Parc des Princes. Deux fauteuils entourent la porte du fond qui donne sur le jardin. Une table de dessert et un buffet sont placés derrière les fauteuils. Au premier plan, adossé à la muraille, un piano avec son tabouret. À gauche, contre le mur, un petit bureau secrétaire et sa chaise. Au milieu de la scène, une table servie avec cinq chaises autour. Scène 1. Sont présents sur la scène Amandine, Marthe, Julie, Pacarel, Landerneau, Tiburce et la bonne. Les convives sont assis à table. Pacarel est face au public. Il porte à la boutonnière le ruban d'officier d'académie avec les petites palmes en argent. Tiburce se sert avec la bonne. Excellent, ce canard! La recette est du docteur Landerneau. Eh, parbleu, c'est le canard à la rouennaise. Tout le mystère est dans la façon de le tuer. C'est très simple. Au moyen d'une constriction exercée de la main contre le cou du canard, n'est-ce pas? L'air ne pénétrant plus dans le thorax, l'hématose se fait incomplètement, ce qui amène des extravasations sanguines dans le tissu cellulaire qui sépare les muscles susioïdiens et sousioïdiens par conséquent. Oui, enfin, vous lui tordez le cou. Ces médecins, ça ne peut rien dire comme les autres. Eh bien, c'est excellent. Avec ça, ce canard est d'un tendre. Ah, c'est ma femme elle-même qui l'a acheté. Oui, figurez-vous que j'avais même oublié mon porte-monnaie. Et voilà que j'avais pris le tramway. Heureusement qu'il y avait là un jeune homme très galant qui m'a prêté 6 sous. J'ai dû être très aimable avec lui. Il y a toujours des hommes pour les bonnes occasions. Oui, seulement il n'y a pas de bonnes occasions pour tous les hommes. Pacarel s'adressant alors à Tiburce. Apportez-nous le champagne. Tiburce va chercher le champagne sur le buffet pendant que la bonne enlève les verres à vin et la carafe. Oh, je l'adore. Mais mon mari, le docteur, me le défend. Il dit que ça m'excite trop. Il ne me le permet que pour mes bains. Tiburce, à part. Ah, pauvre chatte. Allons, tendez vos verres et vous savez, c'est du vin. Je ne vous dis que ça. Il me vient de Troyes. Ville aussi célèbre par son champagne que par le cheval de ce nom. Mais non, papa, le cheval et le champagne, ça n'a aucun rapport. Ça ne s'écrit même pas la même chose. Pardon, ai-je dit que cheval et champagne, ça s'écrit la même chose? Je ne te dis pas, mais il y a 3 et 3, ce qui fait 2. Permettez, 3 et 3 font 6. Très drôle. Messieurs, mesdames, je demande la parole. Pacarel se lève. Laissez parler monsieur Pacarel. Parle ! Mon mari était fait pour être tribun. Messieurs, mesdames, on ne pourra pas nier. Ah ! À propos de panier, ma chère Amandine, j'ai retrouvé le vôtre. Votre panier à ouvrage. Mon panier ! Oh ! Moi qui le cherchais. Messieurs, mesdames... Chut ! Allez-vous bientôt me laisser parler? Va, mon ami. Marthe, s'adressant à Amandine. Vous me ferez penser à vous le rendre tout à l'heure. Messieurs et mesdames, et surtout toi, ma fille, je vous ménage une surprise. Pacarel s'adresse à Tiburce. Apportez-nous les rince-bouches. C'est ça ta surprise ? Non, ce n'est qu'une interruption. Je veux m'habituer pour si jamais je suis député. Il s'adresse à Tiburce. Eh bien, vous n'entendez pas ? J'ai demandé que vous m'apportassiez les rince-bouches. Voilà, je vais vous l'apportasser. D'abord, on dit apporter, on ne dit pas apportasser. Ah, je pensais faire plaisir à monsieur, comme monsieur vient de le dire. Oh, les maîtres. Tiburce sort. Monsieur Pacarel, vous avez la parole. La surprise, la surprise. Voilà, je serai bref. Julie, tu t'es illustrée dans ta famille par la confection d'un opéra. Tu as refait Faust après Gounod. Gounod était né avant toi. Il était tout naturel qu'il eût pris les devants. Ton Faust, j'ai résolu de le faire jouer à l'opéra même. Je me suis enrichi dans la fabrication du sucre par l'exploitation des diabétiques. Il ne manque plus qu'un peu de lustre à mon nom. Eh bien, ce lustre, c'est toi qui me le donneras. Tu es mon œuvre, cet opéra est ton œuvre. Or, les œuvres de nos œuvres sont nos œuvres, par conséquent, Faust est mon œuvre, j'ai dit. Bravo, bravo, bravo, bravo. Mais cela ne dit pas comment tu t'y prendras pour le faire jouer. Attends donc. L'autre jour, j'ai appris que l'opéra avait l'intention d'engager un ténor merveilleux. Une voix, tu sais, comme je sens que j'en ai une en dedans, si elle voulait sortir. Ce ténor chante à Bordeaux. Il s'appelle Dujeton et a un avenir immense. Qu'est-ce que je fais ? Je télégraphie à mon vieil ami du fossé. Engage pour moi, n'importe quel prix, ténor Dujeton. Actuellement, Bordeaux est expédié directement. Vous comprenez ? Une fois en possession du ténor, je le lis à moi. L'opéra se traîne à mes genoux, et en même temps que je lui repasse mon ténor, je lui impose mon opéra, et voilà les Pacarel qui passent à la postérité. Messieurs, mesdames, à votre santé. Hip-hip-hip, hurrah ! Ah, papa, que je suis contente ! Julie se lève et embrasse son père. Prends donc garde à mon col. Tu peux bien l'embrasser sans te suspendre. Tiens, embrasse ta belle-mère, plutôt. Julie va embrasser Marthe. D'abord, ne dis pas toujours ta belle-mère. Ça me vieillit, moi. Ça me donne l'air d'une conserve. Les conserves valent souvent mieux que les primeurs. On apporte les rince-bouches. Pacarel, à part. Elle prêche pour son sein, la maman Landernau.